Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième émission d'En Piste les Artistes. Emmanuel Fitou, votre humble serviteur, pour vous servir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission comme tous les vendredis et je tenais tout d'abord à vous remercier car vous êtes toujours plus nombreux à écouter notre émission. Aujourd'hui, je vous emmène au Théâtre du Pavé, une institution du théâtre toulousain, pour rencontrer Francis Azéma, que j'ai interviewé après l'une des dernières représentations de son spectacle Joueur de farce. Il va nous parler à la fois de ce lieu qu'est le Théâtre du Pavé, mais également d'une création à venir, à savoir Bérénice, qui sera un spectacle qui sera joué seul en scène. Francis Azéma, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour la représentation de Joueur de farce que je viens de voir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle, de comment vous est venue l'idée de remettre au goût du jour cette farce-là ? Plusieurs raisons peut-être. La première, c'est que c'est un domaine inconnu pour nous. Aucun de nous trois n'était allé voyager dans la farce de façon professionnelle. On l'avait tous abordé, comme tout le monde, un peu au collège ou au lycée, mais sans plus. Et puis le déclic s'est fait après Charlie. Oui. On s'est dit, mais pourquoi le français est-il aussi insolent, sans tabou, sans peur? Pourquoi se permet-il au risque de sa vie de faire une pareille provocation en ayant vraiment une insolence typique et jouissive de voilà, donc, ce qu'on voyait dans Charlie, quoi. Et en remontant un petit peu, on se dit, ben, en France, en fait, l'origine, elle vient de la farce. Je dirais même presque le théâtre français, il est né avec la farce. Parce qu'avant, c'était des mystères religieux qu'on jouait devant les parvis des églises et tout, mais c'est la farce qui a... Donc on a eu l'impression un petit peu à la fois de partir d'une actualité et de remonter aussi aux origines avec la farce. Et d'essayer de voir un petit peu... Parce que le contexte était très religieux à l'époque, au Moyen-Âge, au 15e, 16e siècle. Et de temps en temps, on octroyait des libertés aux gens, c'était le carnaval. C'était le carnaval où on inverse les rôles, quoi, où on brûle le roi, on brûle le chef, et où le peuple prend le pouvoir. Donc ça nous a plu, puis tous les tabous sont on le voit, hein, tous les tabous sont appelés, donc on est parti là-dessus, et puis on s'est mis à travailler, à répéter, puis voilà, vous avez vu ce que ça donnait. Ce qu'il y a de très original, c'est qu'en plus de jouer cette farce-là, vous nous plongez dans le quotidien de cette troupe théâtrale. Voilà, la farce en elle-même faisait une demi-heure. Donc on s'est dit, c'est un peu léger quand même. Puis bon, le propos aussi, c'était un peu léger quand même. Hein. C'est-à-dire que Molière n'était pas là encore. Donc l'écriture était sommaire, c'était écrit un peu par des étudiants, des clercs. Il n'y avait pas vraiment de talent littéraire là-dedans. Mm-hmm. Et donc on a voulu parler de ça aussi, de se dire, bon ben, c'est une farce bien écrite, ça pourrait être sympa. Et donc Molière... Molière est arrivé, comme son. Et finalement, c'est ça, c'est un sujet qui est à la fois d'époque, mais qui est également tout à fait actuel. Ben, on peut se poser la question, comment rire aujourd'hui aussi? Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le rire est très gentil, il n'est pas méchant du tout. On n'a plus de Coluche, on n'a plus de gens qui étaient capables de provoquer. Ouais, qui n'avaient peur de rien. Voilà, qui abordaient tout ce qui nous faisait un peu peur et nous dérangeait. Aujourd'hui... On n'ose plus, on a peur, on devient très, très pudibond. Ouais, c'est la peur aussi, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait du bien un petit peu de retrouver cette liberté. Et puis alors, on va parler maintenant un petit peu de vous, parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois comédien, metteur en scène, auteur. Enfin, auteur, exceptionnellement. Et puis, vous êtes également professeur de théâtre, si je ne dis pas de bêtises, non, et également directeur de ce lieu qui est le Théâtre du Pavé. Voilà. Donc ça fait plusieurs casquettes. Alors j'ai une grande question à vous poser, parce que ça intrigue souvent beaucoup de personnes. Directeur artistique d'un théâtre, concrètement ça consiste en quoi ? C'est donner une âme, un esprit, un sens à ce théâtre. Le théâtre ou bien c'est un lieu... de poésie, d'échange, de rencontres artistiques, ou bien c'est un commerce. Donc voilà, et si c'est un commerce, bon, ben on fait de la programmation commerciale, il n'y a même pas besoin d'un directeur artistique. Un bon comptable suffit. Si on est directeur artistique, on se doit aussi d'essayer de préserver une âme, un esprit à un lieu, par les choix des spectacles proposés, par le cadre aussi, par tout ce qui s'y fait. Donc c'est assez... C'est difficile à définir. C'est l'âme, je dirais. C'est préserver, c'est donner une âme à un lieu. pour éviter que ce lieu ne devienne qu'un lieu de passage, comme on appelle dans le jargon du métier un garage, où des compagnies viennent, jouent, s'en vont. On essaie aussi d'harmoniser, aussi de demander aux compagnies de s'investir sur la saison, d'être présent, de se rencontrer, d'échanger. Bon, voilà. Je sais pas si j'y arrive tout le temps, mais c'est un peu le rêve, le but. Ouais, ce que l'on voit, c'est que finalement, vous avez fait une programmation assez diversifiée dans toujours. Les spectacles que vous proposez au Théâtre du Pavé. Là, ce qui peut peut-être regrouper un petit peu tous les points, c'est la difficulté des choix. C'est-à-dire, on va toujours favoriser au Théâtre du Pavé des auteurs pas évidents. Il y a des auteurs très faciles à monter, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas rater, des auteurs de boulevard, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'est très rare qu'on s'est mal joué, avec quelques exceptions pour Noël, où là on se laisse un peu aller, je dirais, parce que c'est Noël. Mais sinon, voilà, oui, aller sur un panel d'écriture classique, contemporaine, française, étrangère, partout, touche à tous les théâtres pour peu que nous sommes de qualité. Et alors, une grande question, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes également professeur de théâtre. Est-ce que finalement c'est une volonté chez vous de longue date de vouloir transmettre vos connaissances d'abord, en théâtre ? Voilà, quand on a la chance d'avoir un trésor, que ce soit un théâtre ou l'amour de ce métier, il faut le partager. On ne peut que partager ses richesses, sinon c'est pas possible. Et moi, j'ai toujours eu envie comme un curé de campagne, je dirais, de porter la bonne parole du théâtre et d'essayer d'éveiller les jeunes générations à ce qui, moi, m'a fait changer de vie à 14 ans, quand j'ai découvert le théâtre. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est resté présent en moi et dont j'ai pas pu m'échapper. Je crois aussi que j'apprends beaucoup en donnant des cours. C'est ma formation continue, je dirais, parce que voir des gamins de 16, 17 ans qui ont très peu fait de théâtre et qui nous mettent par terre, comme on dit, il y a un mystère quand même. Pourquoi ils y arrivent naturellement et pourquoi au bout de quelques mois ils n'y arrivent plus, comme un peu un enfant qui marche dès qu'il naît et puis qui perd le don de la marche et le retrouve un an après. C'est cette magie, moi, qui m'attire toujours. Et puis, à former des jeunes, essayer de leur donner des fondamentaux solides aussi pour qu'ils ne s'égarent pas, parce que ce qui manque le plus dans les générations de comédiens qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont les fondamentaux. Ils jouent au hasard, ils jouent en fonction d'intuition, de vagues trucs qu'on leur a dit, de compliments, de petites choses comme ça. Ils sont remplis de défauts et il faut donc faire un travail peut-être de déconstruction pour essayer de les élaguer un peu, de les rendre plus simples, peut-être plus simple et plus sain face au théâtre, pour enlever toutes les scories, et tout ce qui gêne et que les gens adorent, applaudissent, mais qui sont en fait de gros défauts, de cabotinage ou d'émotions fabriquées. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus. Et alors, pour le coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu, le Théâtre du Pavé, qui est maintenant, je pense qu'on peut le dire, une institution toulousaine du théâtre? Je suis pour rien. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans, mais il était déjà là bien avant. C'est un lieu qui a ouvert en 90-91. Je ne sais pas quoi dire. Oui, ça, c'est toujours resté. C'est le plus petit des plus grands et c'est le plus grand des petits. Voilà. Il est un peu dans cette frontière-là. C'est pas facile, mais c'est vrai qu'il passe un peu pour le quatrième théâtre de Toulouse, comme Toulouse, la quatrième ville de France. Et puis, pour le coup, on peut imaginer que des fois, au théâtre, on ne voit que les personnes qui sont sur le plateau, mais c'est quand même une grande équipe derrière. Oui, il y a des régisseurs, il y a des gens partout, dans les bureaux, derrière le bar. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette équipe qui travaille avec vous rapidement? Sommairement, il y a une attachée de communication, il y a un responsable administratif, qui travaille sur les relations humaines, les régisseurs, les secrétaires, Étienne Aubard, une grande famille, quoi. Toutes ces personnes qui font que le théâtre existe. Voilà. Puis maintenant, on va parler un petit peu d'une création que vous êtes en train de créer, Bérénice, de Racine. Et ce qu'il y a d'assez original, c'est que c'est un spectacle que vous allez jouer seul. Oui, enfin seul. Là aussi, avec une grande équipe autour de moi. Il n'y a jamais autant de monde pour monter un spectacle. C'est le spectacle qui réunit un monde fou entre les donateurs qui ont aidé à la création de ce spectacle, La scénographie somptueuse de Camille Bouvier, les costumes de Noémie Letilly, l'éclairage de Lucien Valle, le son de Ludovic. Enfin, c'est vraiment une équipe incroyable qui est autour de moi. Et après, voilà, la particularité, c'est d'oser monter Bérénice de Racine seule en scène. Je sais pas, ça a sans doute été fait puisque tout a déjà été fait. Mais j'ai eu envie un petit peu en partant de la préface de Racine, donc comme je le dis, où il dit que dans votre travail, il s'adresse aux poètes, que tout soit simple et que tout soit un, en citant Horace, le poète latin, ça a été un commun déclic. Moi qui cherchais comment atteindre le plus difficile dans la simplicité. C'est toujours ça le but. Oui. Que ce soit le plus difficile possible et le plus simple. C'est le simple et le plus difficile. Il n'y a pas plus difficile que d'être simple. Pas facile. Simple. C'est sûr. C'est-à-dire juste, précis dans ce qu'on fait. Pas plus, pas moins. Un peu comme on essaie, même dans la farce, oui, de le faire. C'est-à-dire quand on y est, mais voilà, c'est de toucher, comme un musicien qui appuie sur la bonne note, quoi. Et c'est assez passionnant d'avoir travaillé comme ça sur ce texte. Voilà, puis c'est aussi chercher l'exigence et la difficulté. Ouais. C'est difficile d'en parler. J'imagine. Parce que je suis en plein dedans, voilà, il y a une peur qui monte. Je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est ce qui me plaît aussi. Ah, moi, je me souviens, en effet, d'être venu à la présentation de la saison, ah oui, d'avoir vu des maquettes, voilà, des projets de scénographie. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est Camille Bouvier qui est scénographe et qui est aussi artiste. Alors que je lui ai expliqué un petit peu mon idée. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, j'étais parti d'un dédale de colonnes romaines. Mm-hmm. C'était pas mal, mais c'était un peu lourdingue comme idée. Et elle m'a dit, mais moi j'ai une œuvre qui représente des mobiles qui tombent, qui montent. On le voit un petit peu sur l'affiche que j'expose et tout, et qui pourrait correspondre à ça, sans tomber dans le réalisme de la colonne romaine. Et en voyant ça, je suis tombé amoureux de ça. J'ai dit, mais on va l'agrandir sur 6 mètres de haut, 11 mètres de large, et puis on va faire un décor. Et donc on est parti là-dessus, parce que ça correspondait complètement au trouble de l'âme dans lequel sont les personnages, peut-être. Voilà. Donc on est dans cette forêt des sentiments. Alors justement, pour revenir justement sur ce que l'on disait tout à l'heure, sur le fait que vous étiez le seul acteur en scène qui interprétait l'ensemble de ces personnages, ma question peut sembler un petit peu étrange, mais pourquoi justement vouloir interpréter tous ces personnages seuls? C'est pas quand Racine a écrit la pièce, oui, il était seul. Oui. Il avait sa plume, son papier, il n'avait pas d'ordi. Et quand il passait d'un personnage à l'autre, il restait Racine. Mm-hmm. Il les faisait se répondre, mais c'était un seul écrivain. C'était une seule parole, finalement, fragmentée en personnages. Mais c'est qu'une seule et même parole, celle de Racine. On peut même dire que toute son œuvre ne forme qu'un tout. Et pourquoi aussi un comédien ne jouerait pas un peu comme l'auteur l'a fait une partition? D'accord. Alors, c'est-à-dire on frôle presque l'épique. C'est une épopée, c'est un récit comme ça, gueulé à la foule. Quelqu'un qui est venu, ben Denis, qui joue avec moi, qui est venu voir une répétition là, il y a un mois, m'a dit « Tu nous embarques dans ton rêve, en fait. » C'est comme quelqu'un qui... Comme un enfant qui joue un petit peu tous les... Salut. Comme un enfant qui joue un peu tous les personnages et qui s'amuse un petit peu tout seul dans sa piole, quoi. Il joue à Bérénice. Moi, je joue à Bérénice. Alors, je fais le personnage. Puis l'autre, il lui dit non, mais puis l'autre, il lui dit oui. Voilà, c'est comme un enfant, quoi. C'est pas du tout ce que je déteste au théâtre, c'est-à-dire la performance, le numéro d'acteur. Oh, wow, c'est trop dur. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est au contraire un acte poétique. C'est solide. Ça. Et assumer la solitude aussi. C'est ça, c'est en revenir au fondamental du théâtre, de jouer, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est jouer au début. Quand ils étaient trois sur scène, comme c'est le cas pour nous dans le joueur de farce, ça coûtait très cher. Souvent, dans les Fabliaux, ils étaient seuls, voire deux, mais pas plus. C'est parce qu'il y avait aussi une raison économique. Je ne dis pas que ça joue un peu, mais... Non, c'est revenir aux fondamentaux du théâtre. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Francis Azéma. Merci beaucoup. Que va-t-il se passer du côté du Théâtre du Pavé dans les semaines et les mois qui viennent? Pour commencer, une très belle initiative de Francis Azéma, Le vendredi 17 février 2017, aux alentours de 19h17, se tiendra le projet Molière 2022. L'objectif est de réunir des comédiens, amateurs, professionnels, des curieux, des passionnés de théâtre, à partager une réflexion autour de l'idée d'une ou plusieurs manifestations annuelles au Théâtre du Pavé pour fêter durant 5 ans les 400 ans de la naissance de Molière. Ça prendra la forme d'ateliers de théâtre sur l'auteur, de présentations publiques de scènes travaillées, de créations de pièces, des expériences auprès des plus jeunes, etc. Du 21 au 25 février 2017, vous pourrez découvrir le spectacle « Animaux nocturnes » de Juan Mayorga, désolé si je prononce mal, qui est une pièce qui a été publiée sous le titre « Les Insomniaques » aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Ça vous est proposé par la compagnie du Vent et Rien d'autre. C'est un spectacle qui dure environ 1h20 à partir de 12 ans. Du 28 février au 11 mars 2017 à 20h30, sauf les dimanches à 16h, nous retrouvons Francis Azéma pour Bérénice, partition pour un acteur de Jean Racine. Et c'est donc le spectacle dont il nous a parlé tout à l'heure. Du 14 au 18 mars 2017 à 20h30, la compagnie à pied d'œuvre vous propose le spectacle « Joli bizarre enfant chéri » de Guillaume Apollinaire, qui dure environ 1h10 à partir de 15 ans. Il faut savoir que ce spectacle, c'est une sélection de lettres et de poèmes que Guillaume Apollinaire a adressé à sa muse de décembre 1914 à septembre 1915. Du 21 au 25 mars 2017 à 20h30, la compagnie Postpartum nous propose « La fille qui sent le tabac », écrit, mis en scène et interprété par Cécile Carle, un spectacle d'1h30 à partir de 15 ans. Du 28 mars au 1er avril 2017 à 20h30, un spectacle qui a particulièrement attiré mon attention lors de la présentation de la saison au Théâtre du Pavé, le spectacle « Souriez s'il vous plaît » de Jean Rhys, qui a été créé par Anna Compagnie, un spectacle d'1h20 à partir de 18 ans, mis en scène par Nathalie Noz et interprété par Nathalie Andrès. Pour plus d'informations ou pour voir le reste de la saison ou pour tout simplement réserver, je vous invite à vous rendre sur le site du Théâtre du Pavé, www.theatredupave.org. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle chronique au sein de l'émission. En effet, le spectacle vivant, ça se voit avant tout. Mais il existe de très nombreux ouvrages qui en parlent, qui peuvent être des pièces de théâtre classiques ou contemporaines, des ouvrages théoriques ou pratiques, des biographies d'artistes ou autres. J'ai décidé donc de vous présenter, chaque semaine, un nouveau livre. Mon choix se portera uniquement sur des livres que j'aurai lus, et pour ne pas vous mentir, que j'aurai aimé, et que par conséquent je me permets de vous recommander. Cette semaine, je vais vous parler d'une pièce contemporaine que j'aime beaucoup, et dont j'ai travaillé une scène lorsque j'étais élève au Théâtre du Jour à Agen. Cette pièce s'appelle « La princesse, l'ailleur et les Sioux », écrite par le dramaturge belge Stanislas Coton, et c'est publié aux éditions théâtrales. Cette pièce est réellement très touchante, car elle soulève une question majeure, deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qui se passe à partir d'un certain âge dans un couple quand l'un des deux perd la tête ? Ce questionnement est illustré par deux personnages, Monsieur Sigismond et sa femme, Madame Pimprenelle, qui très régulièrement divague et part dans un monde à part où elle devient une princesse et son mari devient son valet. Dans ce type de situation, dans la vie courante, on cherche souvent des moyens de faire travailler le cerveau, et c'est ce que va faire Monsieur Sigismond. Il a une idée particulière, c'est que tous les deux, ils apprennent la langue Sioux. Ainsi régulièrement, il tente d'enseigner à Madame Pimprenelle de nouveaux mots. Je souhaite pas non plus trop vous en dire pour vous laisser la surprise de découvrir ce texte en le lisant, mais pour finir cette présentation, je vais m'essayer à l'exercice de la lecture à haute voix avec un court extrait de cette pièce. Et il s'agit du tout début de la scène 2, et c'est Monsieur Sigismond qui parle. Ce bon air frais qui vient. Tu l'as senti ? Le printemps pointe le nez. Pom, pom, pom. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Il y a dans l'atmosphère ce petit quelque chose de neuf, et les rayons du soleil picotent la peau. Aun pa oui. le soleil. Fini les gros nuages de l'hiver. Le ciel est bleu. Pom, pom, pom. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Oui, oui, oui. Et la nuit. Si tu voyais la nuit, les étoiles brillent à nouveau. Oui, Campi. L'étoile. Je vais te gronder. Parce que tu ne prends pas ton médicament. Une grande fille comme toi. Le docteur Hippocrate ne sera pas content. Eh oui, oui, bien sûr qu'il se fâche. Comment ? Je te garantis qu'il est parfaitement capable de se fâcher. À ta place, je craindrais qu'il ne s'en prenne à moi. C'est un grand homme fort, n'est-ce pas ? Moi, je n'aimerais pas recevoir une fessée de la main du docteur Hippocrate. Non, non, comment ? Les docteurs ne sont pas là pour battre leurs patients. C'est toi qui le dis. Ça rassure de se le dire. Les docteurs soignent, c'est sûr. Mais ils attendent un minimum de coopération de la part de leurs malades. Une grande fille comme toi. Pour finir, je voulais vous faire un petit compte-rendu d'un événement auquel j'ai assisté. Le 28 janvier dernier, je me suis rendu à l'espace Allegria à Toulouse pour l'événement Conte à Retour, organisé par l'association La Chouette qui tousse. Ce petit festival pluridisciplinaire autour du thème du conte réunissait plusieurs artistes. Tout d'abord, la soirée a commencé avec le spectacle Conte de fées à l'usage des moyennes personnes, conçu par 4 premières années du Théâtre École d'Aquitaine à Agen, dont je vous ai parlé dans la seconde émission, à savoir Clara Cuisinier, Sybille Claire, Lucie Rose et Karima Safri. Un sympathique mélange d'humour et de théâtre au service d'une histoire féerique. Ensuite, nous avons eu droit à la véritable histoire de Blanche en Neige, spectacle de la compagnie Le Temps d'un Pas. Merci beaucoup à Timur Vanderbijl et Claire Gabriel pour ce moment de spectacle gastronomique au cours duquel j'ai énormément ri, tout comme le reste des spectateurs. Un spectacle que je vous invite bien entendu à voir si vous en avez l'occasion. Et pour les curieux, je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook de la compagnie Le Temps d'un Pas pour voir un extrait et des photos du spectacle. Après cela, nous avons pu découvrir le quatuor vocal Les Divaskets, qui nous ont concocté un reportage sur les héros de contes anonymes. Encore un grand moment de rire avec une maîtrise vocale absolument époustouflante. Par la suite, l'artiste Mathilde Courceau et les deux élèves du Théâtre École d'Aquitaine, Marceau Vanderbijl et Ulysse Matignon, nous ont livré un moment plein d'émotions. Marceau à la lecture de texte, Ulysse à la guitare et Mathilde au dessin, un mélange pour le moins inédit, original et plus que convaincant. La soirée s'est ensuite terminée avec un concert du groupe Singe. Tout au long de cet événement, le public pouvait également voir plusieurs projections du court-métrage de Louis Piquet-Peuillors, L'étrange Noël d'Edouard, ainsi que les expositions de photos d'Emma Le Manac et de dessins de Mathilde Courceau. Pour résumer, j'ai pu vivre un véritable melting pot artistique durant toute cette soirée, dont le prix d'entrée était libre. Donc bravo aux artistes que j'ai cités et aux organisatrices Faustine Gardeil et Cléo Gallet en leur souhaitant que ce festival puisse vivre d'autres éditions. Comme toutes les bonnes choses qui ont une fin, En Piste les artistes, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous nous retrouvons dès vendredi prochain pour rencontrer Johan Lafage qui nous parlera d'un lieu atypique toulousain, le Kalinka. Merci à Francis Azema et à l'équipe du Théâtre du Pavé de m'avoir reçu, à l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail et bien entendu à vous qui écoutez cette émission. Si vous souhaitez que je parle de quelque chose en particulier ou que vous avez des suggestions de modifications, n'hésitez surtout pas à me contacter par email à l'adresse emmanuel.fitou, emmanuel.fitou@gmail.com. Je ne manquerai pas de vous lire et de vous répondre. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la réécouter, ainsi que toutes les autres qui sont disponibles sur le SoundCloud de Radio Montmirail, et à les partager. Encore merci à vous et à vendredi prochain.